60 sur Radio Gemozo, la légende en musique. All of my love, all of my kisses, you don't know what you've been missing, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, I want the world to see a better you, a world meant for me. All of my life I've been waiting, tonight there'll be no hesitating, oh boy. Oh boy, when you're with me, oh boy. Oh boy, I want the world to see a better you, a world meant for me. A little bit of love makes everything right. How am I gonna see my baby tonight? All of my love, all of my kisses, you don't know what you've been missing, oh boy. When you're with me, oh boy, I want the world to see you better, you a woman. Wanda Jackson, l'une des reines du musical américain. Oh boy, au sommaire, bien sûr, de Salut les 60, adaptation contre version originale, nos trois matchs. Nous évacuerons également le hit parade de mars 1967 et notre coin du spécialiste sera consacré au King Elvis Presley. Excellente après-midi sur Radio Gemozo. Merci de nous avoir choisi pour vous tenir compagnie. Pour la première fois, des médecins français testent un cœur artificiel et le professeur Salk, grâce à son vaccin, vont supprimer la poliomyélite en 3 ans. En URSS, un Khrouchtchev omniprésent procède à la déstalinisation. En Hongrie, le peuple se soulève contre l'Union soviétique. Les écrans offrent à nos yeux émerveillés Marilyn dans Busta. Le dernier James Dean posthume, géant. Et Baby Doll. Il portait des culottes, des bottes de moto. Jack Antill, jeune champion pressé, bat le record du monde de l'heure. Et les Anglais battent le record de vitesse en avion supersonique. En effeuillant la marguerite et censuré. Alors, raconte. Françoise Arnoux épouse Georges Craven. Homo garantit la chemise la plus propre du monde. Et le tennisman Ken Rosewall enflamme les cours. Ah,

S'il dit souvent ces deux mots, je t'aime. Ce n'est jamais deux fois la même. Oui, je sais bien qu'il ne vaut rien, mais s'il veut au jeu de l'amour, moi il me prendra à mon tour. On dit qu'il peut m'aimer, ne tient rien. La peine des autres, il s'en moque bien. À plus d'une fille fit couler des pleurs. Plus d'une fille d'ici et d'ailleurs. Oui, je sais bien qu'il ne vaut rien, mais s'il veut au jeu de l'amour, moi il me prendra à mon tour. Il suffit qu'un beau jour je le vois, qu'il me regarde dans les yeux une fois. Tout s'est mis à tourner autour de moi. Je veux l'oublier mais je ne peux pas. On dit qu'il faut chercher à le fuir, car il ne sait que faire souffrir. Aucune fille encore n'a pu le changer. Et toutes ne pensent qu'à se l'attacher. Oui, je sais bien qu'il ne vaut rien, mais s'il veut au jeu de l'amour, moi il me prendra à mon tour. Oui, s'il veut au jeu de l'amour, moi il me prendra à mon tour. Moi il me prendra à mon tour. Le 11 octobre 1963, une grande voix de la chanson populaire s'éteint, un grand nom de l'art disparaît, la France est éprouvée à quelques heures de distance par deux deuils. Édith Piaf et Jean Cocteau sont morts. En cette année 63, Daniel Gérard reprend America, thème principal de la comédie musicale West Side Story. Chercher fortune en Amérique, trouver l'amour en Amérique. En arrivant en Amérique, j'ai voulu voir en Amérique tout ce qui fait de l'Amérique, ce qu'on attend de l'Amérique. Mon grand-père était arménien, ma mère elle est fille d'Italien. C'est pour ça que je comprends bien que l'on soit né portoricain. On est allé en Amérique, qu'allions-nous faire en Amérique? Chercher fortune en Amérique, trouver l'amour en Amérique. Nous allons vivre en Amérique, danser pour vivre en Amérique, chanter pour vivre en Amérique, lutter pour vivre en Amérique. Moi, tous les enfants que j'aurai auront peut-être les yeux clairs, des taches de rousseur, mais que faire? Sur mon passé, je tire un trait. Mon père était arménien, ma mère elle est fille d'Italien. C'est pour ça que je comprends bien que l'on soit né portoricain. pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 places de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Les vacances sont terminées, mais puisqu'on s'est tous retrouvés autour du même électrophone, comme on l'a fait l'été dernier, par du tweet et des Madison, on va apprendre l'été. Et puis nous deux, on va s'aimer, tout comme l'été dernier. Les vacances sont terminées, mais puisqu'on s'est tous retrouvés, allez, ce soir on va danser, sous prétexte qu'on est rentré. Pourquoi faudrait-il tout changer? On va faire comme l'été dernier, ouais! Je veux pouvoir t'embrasser comme je l'ai fait l'été dernier. Je veux te tenir bien serré, ne veux jamais te quitter. Ne me dis pas que tout va changer, on va tout oublier. Je vois déjà qu'ils sont là ce soir, tous les copains qu'on voulait revoir. On va danser toute l'année et dans l'ambiance retrouvée, on va s'aimer et s'amuser tout comme l'été dernier. Sylvie Vartan, comme l'été dernier, la version originale d'Dancing Prairie est interprétée par Shubby Shaker et je vous propose d'ailleurs sur Radio Guémozo de l'écouter. Voilà, Sylvie Vartan ou Shubby Shaker, vous avez fait votre choix, c'est parfait. Dans quelques minutes, nous évoquerons le hit parade de mars 1967. Mais auparavant, un duo de choc, Sonny and Cher, Sing, c'est la vie. Sing, c'est la vie, and soon you will see, your cares will be free. on top. But he didn't include on the sign that he painted no pets. And the tenant who rented had six hungry dogs he regrets. But he said, when things go wrong, just sing this song. The birds in the tree will sing harmony. Sing, say, la vie. And soon you will see your cares will be free. Just sing, say, la vie. If you think the old woman who lived in the shoe had it bad, the story of Mrs. Pierre is ten times as sad. Wow, poor woman. With 22 children, a duck and two goats in the bins, she was gaily informed by a doctor that she's having twins. But she sang, when things go wrong, just sing this song. The birds in the tree will sing harmony. Sing, c'est la vie. And soon you will see your cares will be free. Just sing, c'est la vie. The night of Amir and his wife held their annual ball. Oh, I remember. The speeches he makes after dinner became quite renowned. But this time he sneezed when he spoke and his pants, they fell down. But they said, when things go wrong, sing this song. The birds in the tree will sing harmony. Sing, c'est la vie. And soon you will see your cares will be free. Just sing, c'est la vie. C'est la vie. Eddie Mitchell triomphe à l'Olympia. Jacques Dutronc et Françoise Hardy filent le parfait amour. Nous sommes en mars 1967 et l'on retrouve classé à la 45e place du hit-parade Tu en dis trop, le nouveau titre de Ronnie Bird, un titre qui crache le feu. Oh, peux rien garder. En parlant, tu en dis bien trop. Tes ennuis pourraient bien t'arriver. Tu en dis trop, tu en dis trop, tu en dis trop, plus un mot. Ne dis rien, plus un mot. Ne dis rien, plus un mot. De retour de son fantastique périple en Amérique du Sud, Johnny Hallyday est passé par New York où il en a profité pour enregistrer quelques chansons. En ce mois de mars 1967, la petite fille de l'hiver et Johnny s'octroie la 37e place du hit parade. L'hiver, je savais où la trouver. Lorsque la neige tombait dans les rues, elle avait l'air d'une enfant perdue qui de la vie n'attendait plus rien. Ses cheveux noirs comme le ravin. Sur ses épaules, un voile déchiré. Je tremble encore d'avoir touché sa main. Elle m'avait permis de l'aimer. Nos pas étaient gravés dans la neige pour le printemps. Les reverrai-je. Elle était, je crois, la petite fille de l'hiver. De jour en jour, je sens que je la perds. L'été, je l'avais retrouvée et je la tenais fort, mais elle s'est effacée comme un triste poème inachevé que l'on aurait laissé mourir sur le papier. Je croyais depuis longtemps être un homme, mais j'ai versé une larme d'enfant sur les feuilles mortes poussées par le vent. Je l'ai perdue dans les couleurs de l'automne. Johnny Hallyday, la petite fille de l'hiver, 37e, on remonte le classement. Il est 32e en ce mois de mars 1967. Claude François, car tout le monde a besoin d'amour. On aime trop, pas assez. On a besoin d'amour. seul ou bien à deux. Qu'il soit heureux ou malheureux, tout le monde a besoin d'un peu. Je serai toujours le même. En me voyant sourire parfois, te demande si je suis heureux. Mais te rends-tu compte si j'étais seul, plus de joie à partager à deux. Personne à qui confier mes peines. Jimi Hendrix explose. Elvis Presley, The King et Priscilla Beaulieu à Las Vegas disent yes. La super friteuse de Seb arrive sur le marché et élimine les odeurs de friture. Michel Polnareff ne s'est pas encore laissé pousser les lunettes. Et en Grèce, les colonels font le putsch à Athènes. Le Torrey Canyon fait naufrage. Alain Delon et le Samouraï pour Jean-Pierre Melville. Dans mon agenda, quand j'en pique un petit boudin. Paul Newman et Westernis dans Luc la main froide. Jusqu'au matin. Et le beau docteur Barnard réussit la première transplantation du cœur. Je viens rechercher mes bonbons. Persona, l'hymne aux femmes de Bergman sort. Et la lampe œuf de Ben Swildens éclaire la vie. Quand tu m'as fait cette réflexion. Avec le déodorant Printil, la peau reste fraîche. Je vois ici, à travers les carreaux, un petit bout de ciel qui ressemble à ses yeux. Je vois d'ici, à travers les carreaux, un rayon de soleil doré comme ses cheveux. Toi qui as tout, le ciel et les ruisseaux, le bruit des vagues et le chant des oiseaux. Toi qui as tout, pense un peu à l'ami qui n'a pour lui rien que quatre murs gris. Je vois d'ici, à travers les carreaux, un petit bout de ciel, rien qu'un morceau de ciel. Quelques mois, nous fêterons ensemble la liberté que j'aurai retrouvée. Crois-tu, dis-moi, qu'elle aura su m'attendre cette éternité. Je sens d'ici, lorsque tombe la pluie, l'odeur de terre mouillée, c'est celle du pays. Et quelquefois, à travers les carreaux, j'entends un vieux berger jouer de son pipeau. Toi qui as tout, les fleurs et la rosée, le sable chaud, le goût de ses baisers. Toi qui as tout, pense un peu à l'ami qui n'a pour lui rien que quatre murs gris. Je vois d'ici, à travers les carreaux, un petit bout de ciel, rien qu'un morceau de ciel. Apportez par le vent. Je vois d'ici, à travers les carreaux, un petit bout de ciel, rien qu'un morceau de ciel. En quelques mois, nous fêterons ensemble la liberté que j'aurai retrouvée. En quelques mois, nous fêterons ensemble la liberté que j'aurai retrouvée. En quelques mois, nous fêterons ensemble la liberté que j'aurai retrouvée. Franck Adamo à travers les carreaux, 26e en ce mois de mars 1967. Sheila, petite fille de Français moyen pour les 50 millions de téléspectateurs abonnés aux émissions de Guy Lux, classe La Famille, son nouveau titre, à la 16e place du hit parade. L'autre soir, nous avions décidé nous payer une petite sortie dehors. Les trois premières places du hit parade de mars 1967 sont occupées et dans l'ordre par les Rolling Stones, les Beatles et Johnny Hallyday. Michel Polnareff s'octroyant quant à lui la quatrième place avec Ta Ta Ta Ta. Dans tes yeux, rencontre les miens. C'est vraiment, je me sens malheureux, mais je n'y peux rien. Parle que j'aime.

she'll be true. I'm sure of this each time I look into her eyes of blue. Well, now, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, blue. Jeanne Vincent, Baby Blue. Claude Moine, alias Eddie Mitchell, l'adaptera et l'inscrira au répertoire des Chaussettes Noires sous le titre français Betty. Vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur Radio Gamozo. Jeudi vous enchante, vendredi l'obsède, c'est Patrice Raison, plus connu sous le nom d'Éric Saint-Laurent, que l'on retrouve sur Radio Gamozo. Lundi ça ne va pas du tout. Les gens semblent me narguer, oui. À la vie moi je reprends goût. Le mardi malgré la pluie. Maître dit que c'est lent. Je dis tout le rond. C'est vendredi qui me sert. Je m'en irai vers la ville et la fille que j'ai choisie sera là ce soir. Je suis là tremblant du soir. Ce soir quand elle plus d'argent. Ce soir je perds la tête. Ce soir veux tout avoir. Ce soir. Encore cinq jours à traîner. Tout est à recommencer, oui. Je travaille du soir au matin. Et pourtant je ne suis rien. Aujourd'hui rien ne va. Mais demain ça ira. C'est vendredi qui me sait. Je m'en irai vers la ville. Et la fille que j'ai choisie sera là ce soir. Je suis là tremblant d'espoir. Ce soir. Sorti sur les écrans parisiens de la super production de Daryl Zanuck, Le jour le plus long. Au générique du film, une pléiade de vedettes, notamment John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Burton, Paul Anka, Bourvil, Jean-Louis Barrault, Arletty, Madeleine Renaud et bien d'autres artistes. Et puis pour ceux qui veulent se souvenir, rappelez-vous, il est passé à Remiremont, c'était au cinéma L'Eden, et la place à l'époque coûtait simplement 3 francs. Ça a bien progressé depuis, enfin bref. C'est Dalida qui enregistra la version française du jour le plus long. Alors nous citerons le tout, nous étions en 1962. Nous irons au cœur du monde par la poudre et le canon en comptant chaque seconde car ce jour est le plus long sous le fer et la mitraille des milliers se coucheront et le soir. Yeah! le jour est long. Rock'n Twist, la musique des 60s sur Radio Gémozo. Oh, je suis le genre de gars qui ne pense qu'à s'amuser. Je cours de fille en fille, je n'en ai jamais assez. Je vais de gauche à droite en essayant de les tomber. Et oui, je vous l'avoue, c'est bien ça mon grand péché. On m'appelle le vagabond. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Oh, d'abord y'a eu Suzy, Marie, Claire et Dorothée, Annick, Jimmy, Sylvie, puis Gisèle et Marité. Avec toutes ces poupées, j'aurais bien dû m'arrêter. Mais plus je rencontrais, plus je voulais continuer. Car je suis un vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors je cours de ville en ville, jamais me reposer. Je cherche les plaisirs faciles. Je serre un peu et puis je m'en vais. Et soudain je disparais en volant quelques baisers. Car moi le grand amour je ne l'ai jamais rencontré. Les filles ne m'intéressent simplement que pour flirter. Et je n'ai qu'une envie, c'est de toutes les aimer. Car je suis le vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, oui. Simplement que pour flirter. Et je n'ai qu'une envie, c'est de toutes les aimer. Car je suis un vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Car je suis un vagabond. Je suis toujours comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Car je suis. Les Cyclones, le Vagabond. Notez au passage que la version de Richard Anthony est nettement meilleure. La version originale, The Wanderer, figure au répertoire de Dionne et Les Belmonts. Ça sera pour vous le deuxième match et le deuxième choix sur Radio Gémozo. Cause I'm a wanderer. Yeah, a wanderer. I roam around, around, around, around. Oh well, I roam from town to town. I'm going nowhere. Oh yeah, I'm the type of guy that likes to roam around. I'm never in one place. I roam from town to town. And when I find myself, I'm falling for some girl. Yeah, I hop right in that car of mine. I drive around the world. Yeah, I'm a wanderer. À choisir entre l'adaptation et la version originale, vos suffrages se sont portés sur la version de Dion et les Belmont. La version originale, c'est parfait. Mais il faut bien reconnaître que dans ce duel, mais il n'y avait pas photo du tout. Alice Donna et les Animals Taking But You, c'est à venir sur Radio Gamozo. Ah ha ha da da da, ah ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Salut les 60, souvenirs sur Radio Gamozo. Un vieux monsieur fait des mots croisés, moi je l'aime bien, mon vieux petit train. Un matin devant la gare, enfin je l'ai rencontré. Le beau garçon plein d'espoir et qui me souriait. Oh oh, mon petit train de banlieue est parti ce matin. Il voyait dans mes yeux la joie de vivre enfin. Grand amour que j'attendais depuis toujours, sans le trouver. Derrière les carreaux, on peut toujours bien voir des dames en chapeau contemplant leur miroir. Et dans le fond, en croquevillé, le le vieux monsieur fait toujours ses mots croisés, moi je l'aime bien, mon vieux petit. Et quand viendra le temps où tous les deux fatigués nous rêverons d'antan en regardant passer le petit train de banlieue que nous ne prendrons pas, car nous serons trop vieux pour arriver là-bas. Mais dans nos cœurs viendra à passer le petit train de l'éternité. Derrière les carreaux on pourra toujours voir des dames en chapeau contemplant leur miroir. Et dans le fond, qu'est-il arrivé? Plus d'un monsieur ni de mots croisés. Il a pris le train sur l'autre chemin. Alice donna mon train de banlieue. Plutôt sympa ce petit train, d'ailleurs, rien qu'entendre Alice Donna, on a envie de le prendre, ce qui n'est pas toujours le cas en ce 21e siècle. Les Cactus, un titre qui ne manque pas de piquant, un titre signé Lanceman Dutronc. Toute petite, j'ai eu envie de chanter. En cachette de ma famille, j'ai suivi des cours au conservatoire de ma ville. J'ai abandonné mes études et travaillé dans un magasin de bonbons, ce qui me permettait le soir d'assister aux cours de chant, confie Patricia Carli à un journaliste venu l'interviewer. Je suis à toi, version française du Nono Letta, c'est maintenant, c'est sur Radio Guimauzo. Je suis à toi, je suis à toi, pour la vie, c'est près de toi que j'ai trouvé le bonheur, mon horizon, ma passion, et mon envie de croire en toi et pouvoir te rendre heureux. C'est bon de vivre quand on aime comme je t'aime. C'est bon de vivre, de crier au grand jour ce bel amour. Je suis à toi, je suis à toi pour la vie. Je te donnais mon amour et mes 20 ans. Tu m'as donné le goût des mille folies, toutes les joies que désirent les amoureux. C'est bon de vivre, de trouver son je t'aime, dans le je t'aime de celui que l'on aime, et pour toujours. Je suis à toi, je suis à toi pour la vie. Je t'aime jusqu'à la fin de mes jours, de mes jours. Mon amour, It's All Over Now, un titre écrit par Bobby Womack, un énorme succès pour les Rolling Stones, un succès sans plus pour Dick Rivers, qui l'inscrira à son répertoire sous le titre Entre nous, c'est fini. Version que je vous propose d'écouter avant de retrouver notre coin du spécialiste consacré cet après-midi à Elvis Presley. Yeah! Salut les 60 sur Radio Gémozo, la légende en musique. C'est le 8 janvier 1935 à Tupelo dans le Mississippi qu'est née Elvis Presley. À 9 ans, Elvis chante lors d'une compétition radiophonique locale et terminera à la deuxième place. En 1948, les Presley quittent Tupelo et vont habiter à Memphis. Les années passent et à 17 ans, Elvis quitte le collège pour gagner sa vie et aider ses parents. Deux ans plus tard, en 1954, il se rend chez Sun Records pour graver un disque et l'offrir à sa mère. Là, c'est la légende. Il rencontre à l'occasion Sam Phillips, directeur de la firme. Il fait aussitôt la connaissance de Scotty Moore, un guitariste, et de Bill Black, un pianiste. C'est en juillet de cette année 54 qu'Elvis se produira pour la première fois sur une scène. C'était à Memphis. En novembre 1955, le colonel Parker devient son manager et fait signer Elvis Presley avec la firme RCA. Début 1956, Elvis enregistre Heartbreak Hotel qui de suite est numéro 1 au best-seller américain. Puis il achète sa villa de Graceland, enregistre Don't Be Cruel et Hot Dog, tourne son premier film Love Me Tender, bientôt suivi par un second Loving You. Pour Elvis Presley, c'est le début de la gloire et les tubes vont s'enchaîner. Le 10 mars 1958, Elvis part effectuer son service militaire en Allemagne. Il sera libéré de ses obligations militaires le 2 mars 1960. C'est au cours de cette période qu'Elvis perd Gladys, sa mère, sa meilleure amie. Elle avait 42 ans. Surmontant sa peine, Elvis reprend ses activités, enchaînant disques, films et concerts, jusqu'au jour où, victime d'une overdose de médicaments, le roi s'éteint dans sa villa de Graceland à Memphis. C'était le 16 août 1977, il avait un peu plus de 42 ans. Le King Presley est mort, vive le roi Presley. Well, since my baby left, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so, I'll be just so lonely, baby. I'll be just so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. The bailiff's tears keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never look back. And they're so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Or just take a walk down the street to Heartbreak Hotel, where you will be. Well, you'll be just so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. So lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die. Born through a party in the county. county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard this locked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his inner saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois with crash boom bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jailhouse rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jailhouse rock. Use a wooden chair, let it rock. Everybody let it rock. Everybody in old cell block was dancing to the jail, let it rock. Shifty Henry said to Bugs, for heaven's sake, no one's looking out a chance to make a break. Bugs turned to Shifty and he said, nix, nix, I wanna stick around, I wanna get my kick, let it rock. Everybody let it rock. Let's dance rock and roll. A man in New Orleans, he's a rock and roller. He's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole. You know he's gone, gone, gone, jumping like catfish on a pole. Yeah. You know he's gone, gone, gone, out of hip shaking King Creole. When the king starts to do it, it's as good as done. He holds his skin tall like a Tommy gun. He starts to growl without any throat. He bends a string and that sauce she wrote. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. You know he's gone, gone, gone, at a pack of chicken King Creole. He sings a song about a crawdad hole. He sings a song about a jelly roll. He sings a song about a pork and greens. He sings some blues about a New Orleans. You know it's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah. You know it's gone, gone, gone, and a pack of chicken King Creole. Something evil, then he plays something sweet. No matter how he plays, you gotta get him on your feet. When he gets a rockin' fever, baby, heaven sinks. He don't stop playing till his guitar breaks. You know he's gone, gone, gone, jumping like a catfish on a pole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, out of heckin' chicken King Creole. Yeah, you know he's gone, gone, gone, get shaking King Creole. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender,

It's now or never, my love won't wait. It's now or never. Rock'n Twist sur Radio Guémozo, les voix, le son qu'on n'oublie pas. A very old friend came by today, cause he was telling everyone in town of the love that he just found, and Marie's the name of his latest flame. He'd talk and talk, and I heard him say that she had the longest, blackest hair, the prettiest green eyes anywhere, and Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a-burning. I wished him luck, and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Though I smiled, the tears inside were a burning. I wished him luck, and then he said goodbye. He was gone, but still his words kept returning. What else was there for me to do but cry? Would you believe that yesterday this girl was in my arms and swore to me she'd be mine eternally? And Marie's the name of his latest flame. Yeah, Marie's the name of his latest flame. Oh, Marie's the name. Oh, I wish I was in the land of cotton. Old times there are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. Oh, I wish I. Early Lord, one frosty morn, look away, look away, look away, Dixieland. Glory, glory. You cry, you know your daddy's bound to die. But all my trials, Lord, soon be over. C'était les Fingers. Sur Radio Gemozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec Lucky Blondeau, Une fille comme toi. Très longtemps, j'ai cherché par les rues encombrées de la ville tes grands yeux, ta beauté et ton allure de poney gentil, ton sourire. Une fille comme toi, oh, maintenant j'ai trouvé et je veux toute repart la ville, cœur cœur joyeux, des projets et du soleil au fond de mes nuits, le sourire d'une fille comme toi. Grâce à toi, mon amour, j'ai enfin le bonheur. Grâce à toi, tous les jours, j'ai plein de chansons dans mon cœur. Tu es là, près de moi, nous vivrons tous les deux bien tranquilles. L'avenir nous attend, et j'aurai tout le long de ma vie le sourire d'une fille comme toi. Oh. De chansons dans mon cœur, tu es là près de moi, nous vivrons tous les deux bien tranquilles. L'avenir nous attend, et j'aurai tout le long de ma vie le sourire d'une fille comme toi, d'une fille comme toi, d'une fille comme toi. Après la version française, la version originale avec Cliff Richard et ses fidèles Shadows, A Girl Like You. Angel face, we just met. Well, just how lucky can one boy get? There's a light in your eyes. I know it's love and I know that I could be happy with a girl like you. Tell your ma, tell your pa, and tell your favorite old wishing star, we're in love, and just by chance I ask you, would you like to dance fancy dancing with a girl like you? Funny how love can come to a lonely heart. I'm a boy and you're a girl, I guess that's a pretty good start. Here I am, there you are, together baby we should go far. A girl like you, a boy like me, two hearts together like they ought to be. Can't believe I got a girl like you. Can come to a lonely heart. I'm a boy and you're a girl, I guess that's a pretty good start. Here am I, there you are, together baby we should go far. A girl like you, a boy like me, two hearts together like they ought to be. Can't believe I got a girl like you, got a girl like you, got a girl like you. 1968. À Paris, les étudiants cherchent la plage sous les pavés. L'aérien Jean-Claude Killy et l'équipe de France s'imposent aux Jeux Olympiques de Grenoble. Alouette, alouette. McDonald's propose son Big Mac. Truffaut signe le troisième volet de la saga Douanel. 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick fascine des générations de cinéphiles. Zanotta édite les fauteuils sacs remplis de billes de polystyrène. On l'appelle cuisse de mouche fleur de banlieue. Pierre Perret immortalise la gouaille des banlieues. Triomphe caricature le week-end. Those were the days, my friend. Nescafé désormais vendu en granulé. Twiggy, la cover girl anglaise, a les yeux plus gros que le ventre et dévore les couvertures de magazines. Sergio Leone impose le spaghetti western et oppose le bon, la brute et le truand. Kiri invente les gastronomes en culotte courte et le Concorde pointe le bout de son nez. Thank you. Les cristals, Zenny Kiss Me, vous connaissez, et ça j'en suis persuadé, la chanson de Guy Béard, celle qui dit qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire, aller plonger dans les bras de l'amour, enfin disons plutôt dans les bras des chats sauvages. De l'amour, laisse ta mère à la maison. Viens dans les bras de l'amour, ne fais pas tant de façons. Ta maman t'a défendu d'oser regarder les garçons. Mais alors comment veux-tu te faire un jour une opinion? Et si tu aimes le touriste, il faut sortir un peu, car pour danser le touriste faut être deux. Viens dans les bras de l'amour, laisse ta mère à la maison. Viens dans les bras de l'amour, viens ne fais pas tant de façons. Mais si ta mère insiste, clame-lui sans façon que toi tu aimes le twist et les garçons. Viens, n'aie pas peur de l'amour, mort à peine dans ses permis. Oui, oui, oui, quand tu connaîtras l'amour, ce sera ton meilleur ami. Viens dans les bras de l'amour. Oh, oh, oh, oh. Sur Radio Gémozo, les bons moments ont toujours une musique. Reviens-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Sans toi se brise ma vie. Brise ma vie. Car si s'achève la romance. Et la romance. Alors je n'aurai plus de chance. Non plus de chance. Ouais, mais si tu es lassé de cet amour fané, reste tué. J'irai tester le blues. Le blues et puis le blues. En serrant dans mes bras. Bien d'autres filles que toi. S'achève la romance. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Non, pas de chance. J'ai beau passer mes nuits dans les boîtes de nuit, je me m'ennuie. J'ai beau pousser le blues. Le blues et puis le blues. En serrant dans mes bras. Richard Anthony, j'irai twister le blues. Bonne initiative, je dirais même mieux. C'est une excellente idée, mais comme il n'y a pas de bonnes choses qui ne se quittent un jour, on se retrouve dimanche entre 10h et midi pour la rediffusion de l'émission et lundi dès 15h pour un nouveau rendez-vous avec les idoles des années 60. Vous pouvez également nous retrouver sur internet dans voici notre adresse gemozo.eu, le tout en minuscule et sans accent. Merci d'être resté en notre compagnie. Salut les 60, excellente semaine sur Radio Gemozo. We'll be right back.